Hello, Grizzly. What? Bonne année à toi aussi. J'étais parti rouler une clope. Thank you. get your boat to eat.